Aimez-vous les uns les autres par Léon Tolstoï. Avant de vous dire adieu, à mon âge, chaque rencontre avec les hommes est un adieu, je voudrais vous exposer brièvement comment, selon moi, les hommes doivent vivre pour que leur vie cesse d'être le mal et la douleur, ce qu'elle paraît être pour la majorité, mais soit ce que Dieu désire, ce que nous tous désirons, c'est-à-dire le bien et la joie. Tout dépend de la manière dont l'homme comprend sa vie. Si cette vie est donnée à mon corps, Yvan, Pierre ou Marie, pour me procurer à moi, Yvan, Pierre ou Marie, le plus de joie et de plaisir possible, dans ce cas, la vie sera, à jamais et pour tous, malheureuse et pleine d'amertume. La vie sera malheureuse, enfiélée, parce que tout ce qu'un homme désire pour soi est également désiré par chaque autre. Chacun désire pour soi le plus de bien possible, et comme ce bien est le même pour tous les hommes semblables, il manquera toujours à tous. Donc, si les hommes vivent chacun pour soi, ils se léseront, se combattront, s'offenseront, et leur vie sera mauvaise et malheureuse. Si même les hommes acquièrent temporairement ce qu'ils désirent, ils n'en sont point plus heureux, et tâchent d'acquérir encore davantage. D'autre part, ils craignent qu'on leur enlève ce qu'ils ont acquis et envient ceux qui possèdent plus qu'eux. De sorte que si les hommes ne considèrent la vie que du point de vue de leur propre corps, leur vie sera forcément malheureuse. C'est, hélas, ce que nous avons maintenant sous les yeux. Et cela ne doit pas être. La vie nous est donnée pour notre bonheur. C'est ainsi que tous nous comprenons la vie. Mais pour être heureux, les hommes doivent comprendre que notre vraie vie n'est point en notre corps, mais en cet esprit qui vit en lui. Ils doivent comprendre que notre bien ne s'obtient point en flattant notre corps et en faisant ce qu'il désire, mais qu'il s'obtient en faisant ce que désire cet esprit, le même pour tous les hommes, qui vit en chacun de nous. Cet esprit désire le bien pour soi, mais comme il est le même chez tous les hommes, il désire donc le bien de tous. Et désirer le bien pour tous les hommes, cela s'appelle aimer les hommes. Personne, rien ne peut empêcher d'aimer les hommes, et plus l'homme aime, plus sa vie devient libre et joyeuse. Ainsi, l'homme a beau s'efforcer de flatter son corps, il n'est jamais capable de le satisfaire, car on ne peut pas toujours acquérir ce qui est nécessaire au corps, et quand on veut l'acquérir, il faut lutter contre les autres. Tandis que l'homme peut toujours satisfaire son âme, car l'âme n'a besoin que d'amour. Et pour l'amour non seulement, il n'est pas nécessaire de lutter contre personne, mais au contraire, plus on aime, plus on se rapproche des autres hommes. De sorte que rien ne peut empêcher l'amour. Et plus l'homme aime, plus lui-même devient heureux et joyeux, et plus il rend d'autres hommes également heureux et joyeux. Voilà, mes chers frères, ce que je voulais vous dire avant de prendre congé de vous. Vous dire ce qu'ont enseigné tous les saints, tous les sages et surtout le Christ. À savoir que notre vie est malheureuse par notre faute, que cette force qui nous a envoyés en ce monde, et que nous appelons Dieu, ne nous a pas envoyés pour que nous souffrions, mais pour que nous ayons ce bonheur que nous tous désirons et qui nous est réservé, mais seulement quand nous comprenons la vie comme il faut la comprendre et que nous faisons ce que nous devons faire. Nous nous plaignons de la vie, nous disons qu'elle est mal organisée, et nous ne pensons pas que c'est nous qui ne faisons pas ce que nous devons. C'est exactement comme si un ivrogne se plaignait de ce qu'il est devenu ivrogne parce qu'il y a beaucoup de cabarets et de débit, tandis qu'au contraire, il y a beaucoup de cabarets et de débit parce qu'il y a beaucoup d'ivrognes comme lui. La vie est donnée aux hommes pour leur bonheur. Ils n'ont qu'à en bien user. Que les hommes, au lieu de vivre dans la haine réciproque, vivent par l'amour, la vie sera douce à chacun. De tous côtés maintenant, on n'entend qu'un seul cri. Notre vie est mauvaise et malheureuse parce qu'elle est mal organisée. Réformons cette organisation défectueuse et notre vie sera bonne. Mes chers frères, ne le croyez pas. Ne croyez pas que par telle ou telle organisation notre vie puisse être pire ou meilleure. Je ne parlerai même pas de ce fait que tous ces hommes qui travaillent à une organisation meilleure de la vie sont en désaccord entre eux, discutent entre eux. Les uns proposent une certaine organisation qu'ils disent la meilleure. Les autres prétendent que cette organisation est la pire, qu'il n'y en a qu'une bonne, celle qu'ils préconisent. D'autres encore rejettent également celle-ci et proposent la leur, la meilleure, etc. Mais si même il existait une telle organisation, la meilleure, si même on l'admettait, comment la faire accepter par tous les hommes? Comment la faire pénétrer dans leur vie, puisqu'ils ont le goût de mal vivre? Nous sommes habitués à mal vivre, nous aimons à mal vivre, nous gâchons tout ce que nous faisons et nous disons que nous commencerons à vivre bien quand l'organisation sera bonne. Mais comment, entre des gens mauvais, une bonne organisation peut-elle exister? Si donc était possible une meilleure organisation de la vie, pour la réaliser, les hommes devraient devenir meilleurs. À vous, on promet une vie agréable. Quant à votre vie actuelle, mauvaise, vous ajouterez encore la lutte contre les hommes, la violence, le meurtre même, pour obtenir une bonne organisation. En d'autres termes, on vous promet une vie heureuse quand vous serez devenu pire que vous n'êtes maintenant. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas, mes chers frères. Pour améliorer la vie, il n'y a qu'un seul moyen. C'est que les hommes deviennent meilleurs. S'ils deviennent meilleurs, la vie s'arrangera d'elle-même. Elle deviendra ce qu'elle doit être parmi des hommes bons. Depuis longtemps, les hommes croient à cette duperie qu'avec de mauvais gens, on peut organiser une bonne vie. Comme si, avec un grain pourri, on pouvait faire du bon pain. Cette duperie a fait beaucoup de mal et en fait encore. Auparavant, à cette duperie étaient seuls occupés les gouvernants. Ils tâchaient, du moins ils le disaient, et tâchent encore, en recourant à diverses violences, expropriations, emprisonnements, supplices, de former avec des gens mauvais une société bonne, pacifique. Maintenant, les révolutionnaires tâchent de faire la même chose et cherchent à nous enrôler parmi eux. Mes chers frères, ne vous laissez pas séduire par cette tromperie. Laissez agir à leur guise les gouvernants, les rois, les ministres, les gardiens, les policiers, mais vous, qui ne participez pas à leurs actes, tâchez de rester purs. De même, tâchez de rester éloignés de ces actes de violence auxquels vous appellent les révolutionnaires. Votre salut et le salut de tous les hommes n'est nullement dans l'organisation violente d'une vie pleine de péchés, mais dans l'amélioration de votre âme. Ce n'est qu'en améliorant son âme que chaque homme obtiendra pour soi et pour les autres le bien le plus grand et l'organisation la meilleure de la vie que peuvent désirer les hommes. Le vrai bien, celui que doit chercher chaque cœur humain, n'est pas dans une future organisation quelconque de la vie, obtenue par la violence. Il est pour nous tous, partout, et à chaque moment de la vie, et même de la mort, dans l'amour, et certains par l'amour. Ce bien nous est donné depuis des siècles, mais les hommes ne l'ont pas compris. Maintenant, le moment est venu où il faut le voir et l'accepter. On ne peut plus ne pas l'accepter. Premièrement, parce que les difformités et les souffrances de notre vie ont fini par nous la rendre insupportablement pénible. Et deuxièmement, parce que la vraie doctrine du Christ, qui se répand de plus en plus, est devenue maintenant si claire que pour notre salut, nous ne pouvons plus la méconnaître et la rejeter. Notre salut dépend maintenant de la reconnaissance du fait que notre vraie vie n'est pas en notre corps, mais en cet Esprit de Dieu qui vit en nous. Il en résulte que tous les efforts que nous employions autrefois à l'amélioration de notre vie individuelle et sociale doivent être appliqués à une seule œuvre nécessaire et importante qui est pour chacun d'élever et d'affermir en lui l'amour. Non seulement l'amour pour ceux qui nous aiment, mais, comme disait le Christ, l'amour pour tous les hommes, surtout pour ceux qui nous sont étrangers et ceux qui nous haïssent. Notre vie est maintenant si loin de cet idéal qu'au premier moment il nous paraît impossible de transporter tous nos efforts, des soucis et des œuvres de ce monde à une œuvre invisible et inaccoutumée, à l'amour. Mais cette difficulté n'est qu'une apparence. L'amour pour tous les hommes, même pour ceux qui nous haïssent, est beaucoup plus adéquat à l'âme humaine que la lutte et la haine contre le prochain. Une nouvelle compréhension du sens de la vie n'est pas impossible en notre temps. Ce qui est impossible, c'est de continuer à mener cette vie de combat de tous contre tous qui est la nôtre maintenant. Ce changement n'est pas impossible. C'est lui seul qui peut délivrer les hommes des calamités dont ils souffrent. Et c'est pourquoi, tôt ou tard, inévitablement, ce changement doit se réaliser. Chers frères, pourquoi souffrez-vous? Souvenez-vous seulement que le bonheur vous est réservé et prenez-le. Le bonheur est en vous-même. C'est si facile, si simple et si joyeux. Mais les hommes qui souffrent, les pauvres, les opprimés, diront peut-être « Oui, c'est sans doute facile pour les riches et les puissants. C'est facile à eux d'aimer leurs ennemis quand ces ennemis sont en leur pouvoir. Mais c'est difficile pour nous qui souffrons et sommes opprimés. » Ce n'est pas vrai. Chers frères, il est aussi nécessaire aux puissants et aux riches qu'aux soumis et aux pauvres de changer leur compréhension de la vie. Pour ces derniers, c'est plus facile. Les humbles et les pauvres n'ont qu'à rester ce qu'ils sont, à ne pas agir contrairement à l'amour, à ne point participer à des actes hostiles à l'amour, et d'elle-même s'écroulera toute une organisation hostile à l'amour. Pour les puissants, au contraire, il est beaucoup plus difficile d'accepter et de réaliser la doctrine de l'amour. Pour cela, en effet, ils doivent renoncer à la séduction du pouvoir qu'ils possèdent, à la richesse, tandis que les soumis et les pauvres n'ont qu'à ne pas commettre de violences nouvelles, et principalement à ne pas prendre part à celle qui existe. De même que l'homme grandit, de même croît l'humanité. La conscience de l'amour s'est développée dans le cœur de l'homme. De nos jours, elle est arrivée à un tel point qu'il nous est impossible de ne pas voir qu'elle doit nous sauver et devenir la base de notre vie. Ce qui se passe maintenant, ce sont les dernières convulsions de la vie violente, des colères sans amour. Il est devenu clair que toutes ces luttes, toute cette haine, toutes ces organisations violentes, la défense armée des pouvoirs, des États, ne sont que des duperies insensées qui ne mènent à rien, sauf à des calamités sans cesse croissantes. Il est clair que l'unique salut, le plus simple, le plus facile, est dans le triomphe de l'amour, dans l'amour reconnu comme base fondamentale de la vie humaine, qui, sans effort, remplacera le mal par le plus grand bien. La tradition rapporte que l'apôtre Jean, étant très très vieux, était pénétré d'un seul sentiment qu'il exprimait toujours par les mêmes paroles. « Enfants, aimez-vous les uns les autres ?» Ainsi s'exprimait la vieillesse, c'est-à-dire la vie d'un homme arrivée à une certaine limite. De même doit s'exprimer la vie de l'humanité arrivée à une certaine limite. C'est si simple et si clair. Tu vis, c'est-à-dire tu es né, as grandi, vieilli, et te voilà sur le point de mourir. Est-ce que le but de ta vie peut être en toi? Sûrement non. Que suis-je donc, moi? Se demande alors l'homme, et il n'y a qu'une réponse. Moi, c'est quelque chose aimant. Tout d'abord, il paraît que ce quelque chose n'aime que soi, mais il suffit de vivre un peu, de réfléchir, pour se rendre compte qu'on ne peut pas s'aimer soi-même, aimer une créature qui traverse la vie et meurt. On sent qu'on doit s'aimer et qu'on s'aime, mais en même temps, on sent que l'objet de son amour n'est pas digne de cet amour. Mais je ne puis pas ne point aimer. La vie est dans l'amour. Comment faire alors? Aimer les autres, le prochain, ceux qui nous aiment? D'abord, cela paraît suffire aux besoins de l'amour, mais, premièrement, tous ces gens-là ne sont pas parfaits. Deuxièmement, ils changent et surtout ils meurent. Que faut-il donc aimer? Il n'y a qu'une seule réponse, aimer tous. Aimer la source de l'amour, aimer Dieu. Aimer non pour celui qu'on aime, non pour soi, mais pour l'amour. Il suffit de comprendre cela, et d'un coup, disparaît tout le mal de la vie humaine, et son sens devient clair et joyeux. Oui, ce serait beau. Quoi de mieux? Diront les hommes. Ce serait beau d'aimer, de vivre pour l'amour, si tous vivaient ainsi. Mais voilà, moi, je vivrai pour l'amour, je donnerai tout aux autres, et les autres vivront pour eux, pour leur corps. Alors, qu'adviendra-t-il de moi? Et non de moi seul, mais de ma famille, de ce que j'aime, de ce que je ne puis pas ne pas aimer? Il y a longtemps qu'on disserte sur l'amour, mais personne n'en tient compte, et on ne peut en tenir compte. Vivre par l'amour, on ne le pourrait que si tous les hommes, d'un coup, par un miracle quelconque, changeaient leur vie matérielle, terrestre, pour une vie spirituelle, divine. Mais ce miracle n'a pas lieu. C'est pourquoi tout cela n'est que des mots, non des actes. Ainsi parlent les hommes pour justifier leur vie mensongère habituelle. Ils parlent ainsi, mais au fond de leur âme, ils savent qu'ils n'ont pas raison. Ils savent que ces raisonnements ne sont pas justes. Ils ne sont pas justes parce que ce n'est que pour l'avantage de la vie du monde, de la vie matérielle, qu'il est nécessaire que tous les hommes, d'un coup, changent leur vie. Il n'en est pas de même pour la vie spirituelle, pour l'amour de Dieu et des hommes. L'amour donne à l'homme le bien, non dans ses conséquences, mais dans l'amour même. Il lui donne le bien, indépendamment de la manière dont agissent les autres hommes et de ce que fait en général le monde extérieur. L'amour donne le bien, parce que l'homme, en aimant, s'unit à Dieu, et non seulement ne désire rien pour soi, mais désire donner tout ce qu'il a et toute sa vie aux autres. Et c'est en se donnant à Dieu qu'il trouve son bien. C'est pourquoi tout ce que font les autres hommes, tout ce qui peut se passer dans le monde ne peut avoir d'influence sur ses actes. Aimer, cela veut dire se donner à Dieu, faire ce que veut Dieu, et Dieu, c'est l'amour. Il désire le bien pour tous. Il ne peut donc point désirer que l'homme périsse en accomplissant sa loi. L'homme aimant, même seul parmi les autres, qui n'aime point, ne périt pas. Si même il périt parmi les hommes, sur la croix, sa mort même est joyeuse pour lui et bienfaisante pour les autres. Ce n'est plus une mort désespérée et misérable comme celle de l'homme ordinaire. Ainsi donc l'excuse de ne pas s'adonner à l'amour parce qu'on serait seul contre les autres n'est ni juste ni bonne. C'est la même chose que si un homme ayant besoin de travailler pour se nourrir et nourrir ses enfants ne travaillait pas sous prétexte que les autres ne travaillent pas. Oui, mes chers frères, Mettons notre vie dans l'augmentation en eau de l'amour et laissons le monde marcher à sa guise, c'est-à-dire selon son destin. Agissons ainsi, et croyez-moi, nous aurons pour nous le plus grand bien, et ferons aux autres tout le bien que nous pouvons leur faire. C'est si simple, si facile, si joyeux. Que seulement chaque homme aime, qu'il n'aime pas seulement ceux qui aiment, mais tous les hommes, surtout ceux qui haïssent, comme Christ l'a enseigné, et la vie deviendra joyeuse, et toutes les questions que les hommes aveuglés cherchent vainement à résoudre par la violence non seulement se résoudront, mais même ne se poseront plus. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie si nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas son frère n'a pas la vie éternelle, seul celui qui aime son frère a la vie éternelle qui est en lui. Encore un mot, mes chers frères, on ne peut savoir d'aucun acte s'il est bon ou mauvais si on ne l'essaye pas en pratique dans la vie. Si l'on dit à un agriculteur que c'est bien d'ensemencer le seigle par sillon, ou à un apiculteur que c'est bien d'encadrer les ruches, l'agriculteur ou l'apiculteur, pour être sûr que ce qu'on lui dit est vrai, en fera l'expérience et d'après le résultat obtenu, suivra ou non le conseil donné. C'est la même chose pour toute l'œuvre de la vie. Pour savoir avec certitude jusqu'à quel point sont applicables à la vie les doctrines de l'amour, mettez-les en pratique. Imposez-vous de suivre pendant un certain temps en tout les exigences de l'amour, de vivre en toute occasion avec n'importe quel homme, un voleur, un ivrogne, un chef brutal ou un subalterne, sans s'écarter de l'amour, c'est-à-dire sans oublier ce qui est nécessaire à lui et non à vous. Et ensuite, après avoir vécu ainsi un certain temps, demandez-vous si cela vous avait été pénible, si vous avez empiré ou amélioré votre vie. Et selon l'expérience, décidez s'il est vrai que l'amour donne le bonheur ou si ce n'est que des paroles vides. Essayez cela. Au lieu de rendre le mal pour le mal, au lieu de condamner un méchant, tâchez de répondre au mal par le bien, de n'offenser personne, de ne pas être brutal, même envers un animal, mais d'agir en tout avec bonté et tendresse. Vivez ainsi un jour, deux jours et davantage, pour l'expérience, et comparez votre état d'âme pendant ce temps à celui d'auparavant. Essayez cela, et vous verrez qu'au lieu d'être sombre, irrité, malheureux, vous serez dispos, gai, heureux. Vivez ainsi une semaine, deux semaines, trois semaines, et vous verrez comment votre joie spirituelle augmentera, et vos entreprises non seulement ne péricliteront pas, mais prospéreront de plus en plus. Essayez seulement cela, mes chers frères, et vous verrez que la doctrine de l'amour n'est pas un mot, mais un acte, l'acte le plus proche, le plus compréhensible et le plus nécessaire. Ainsi s'achève « Aimez-vous les uns les autres » par Léon Tolstoï.